Analyse du 6 mai 2022 par Thierry Pirlo, Sharpawan. Analyse des drops de Q. Voici un résumé sur Q et ses 4953 posts ou drops utiles à la compréhension de ceux qui s'y intéressent. Il n'est pas évident de comprendre le fonctionnement ni le décodage des milliers de posts de Q, intelligence militaire américaine, que de nombreux QAnon ont tenté de déchiffrer de fin 2017 à 2020. Le risque qu'il s'agisse d'une psyops, opération psychologique, visant à distraire et rassembler la dissidence, n'est plus à cette heure dans ma compréhension de cette incroyable opération de communication vers les patriotes, faisant des romans de Tom Clancy de véritables contes pour enfants. Attention, Q existe. C'est une opération de communication militaire. Anon existe. Ce sont des soldats numériques de Q. QAnon n'existe pas. C'est la psyops des médias mainstream pour décrédibiliser le mouvement. Voici donc mon propre décodage. Il y a 4953 posts ou drops de Q à la date du 6 mai 2022. Et tous n'annoncent pas quelque chose, mais sont parfois simplement des messages énigmatiques ou demandent un décodage parfois très complexe. Ce sont les cailloux du petit pousset. Ces milliers de messages sont en rapport avec l'actualité du moment, avec les révélations de la Bible, des opérations militaires US en cours, des affirmations, des films, des questions sur des politiciens US ou tout simplement des questionnements et des énigmes. Le dernier message de Q date du 8 décembre 2020. Ils ne sont pas toujours compréhensibles au moment de leur parution, mais le sont en général dans le futur. Il y a des événements prédits par Q qui se produisent 1 voire 2 ans après leur parution ou prédiction sur le site 8chan. Il s'agit alors de synchronicité temporelle. Certaines sont assez stupéfiantes. En général, ce sont des synchronicités sur des dates et parfois même des heures précises. Exemple. Synchronicité en rapport entre un post du 3 avril 2018 à 9h47 et l'événement dans un média le 3 avril 2020 à 9h47. Tout cela est écrit en code, car ce sera écrit de la manière suivante, 0947HR. Les dates sont données à titre d'exemple, car il me faudrait une journée pour les retrouver dans les drops de Q. Autre exemple, le 7 octobre 2019 à 8h45, un message énigmatique de Q concernant un retard lors d'une conférence à la Maison-Blanche de POTUS, président US. Et le 7 octobre 2021, à 9h, soit 2 ans plus tard, Joe Biden a 15 minutes de retard pour sa conférence de presse à la Maison-Blanche. Le fait en lui-même n'est pas important, mais Q ouvre les yeux du QAnon sur sa capacité à prédire des événements histoire de lui faire comprendre que tout est sous contrôle, même le timing de la marionnette Biden. Parfois, Q travaille avec le calendrier julien et parfois grégorien, donnant des décalages de quelques jours, mais in fine exacts. Ou encore un message demandant aux soldats numériques, début 2019, de surveiller les eaux et la société écran Evergreen de Hillary Clinton, pour voir s'échouer 2 ans plus tard, en mars 2021, un bateau porte-container Evergreen dans le canal de Suez. Ou encore, concernant l'enquête de Durham sur le laptop de Hunter Biden fin 2018 et des éléments et vidéos pédos qui apparaissent fin 2020 à des dates précises avec des vidéos et photos que tout bon soldat digital partagera avec enthousiasme sur tous les réseaux pour voir début 2022 le scandale Hunter Biden sortir enfin dans les tabloïds du US mainstream grâce au procureur Durham. Lorsque ces drops concernent des dates et ou des heures identiques à 2 ou 3 ans d'intervalle, on appelle cela des deltas. Les deltas sont les latences entre une prédiction de Q et sa réalisation dans le futur. Pour rigoler et pour mon anniversaire le 5 mai, un ami est allé rechercher un post de Q du 5 mai 2020 et à cette date, on a le Punisher avec cette phrase. The time is coming. Le temps est venu. Le Punisher est un symbole de la Q-Force dans la reconquête de la justice qui sera rendue par les tribunaux militaires et par Dieu de manière implacable et sans aucune pitié envers la cabale pédosataniste ayant trempé dans les crimes de sang et de sexe envers les enfants. Maintenant, cela peut concerner un événement le 5 mai 2022 ou 2023, ou cela peut simplement être un post annonçant le départ des opérations militaires et des arrestations secrètes le 5 mai 2020. Et d'ailleurs, les trois derniers drops de Q fin 2020 sont assez interpellants. Le post 4950. Rien ne peut arrêter ce qui vient, Q, et avec en fond le drapeau américain. Ensuite, le post 4951. Allons-nous jouer un jeu? Parfois, vous devez traverser les ténèbres avant de voir la lumière. Q. Q nous annonce le début de la partie juste avant de couper les communications, fin 2020. Il nous a donné les clés durant 3 ans et c'est au tour de son armée de Digital Soldiers d'interpréter et de comprendre la suite des événements. Post 4952. Durham. Le procureur qui s'occupe depuis des années de toutes les enquêtes que Trump a initiées, collusion Russie, fraude élection, scandale pédo, haute trahison des démocrates. John Durham est probablement l'élément clé de toute la stratégie de l'Alliance au niveau des actions en justice et il est le procureur spécial du département de la justice des États-Unis. Et le dernier poste, le 4953, c'est un lien YouTube vidéo que YouTube a supprimé très vite. C'est sûrement une vidéo en lien avec les événements de l'époque, mais elle a sauté avant que je ne sache ce que c'est. Il y a donc 2 phases distinctes depuis fin 2017. La première phase, Green Light, où la Q-Force a communiqué énormément, 4953 drops de fin 2017 à fin 2020, via 8chan, afin de constituer au fil du temps une armée civile de soldats digitaux, une armée de patriotes de l'ombre qui démarrera en 2017 avec quelques geeks pour atteindre fin 2020 des millions de fourmis de toutes nationalités et qui partagent à cette heure un maximum d'infos alternatives visant à détruire le narratif mainstream. Et cela marche plutôt bien, vu que nous atteignons doucement le point de rupture avec ces médias mainstream. La deuxième phase, Red Light, débute début 2021 avec le grand spectacle des guignols et la fausse élection du sosie Biden, ainsi que par le travail de partage des soldats numériques qui devient exponentiel. Le reste est entre les mains de l'Alliance militaire et de sa Q-Force, qui nettoie tout ce merdier américain et mondial en vidant le marais putride, mondialiste et cabaliste par le biais de la dévolution et du déclenchement des directives signées par Trump en aval afin de permettre la gouvernance des USA via 2 gouvernements, l'un militaire et l'autre fantoche. Poutine fait partie de cette alliance et est à cette heure en train de vider son marais et de nettoyer l'Ukraine de ses laboratoires et de ses psychopathes ukro-nazis. Les opérations sont mondiales et toujours en cours et cela prend du temps, beaucoup de temps, mais nous sommes plus près de l'épilogue que du début de cette 3e guerre mondiale. Vous aurez le lien en descriptif du site Q-Alerts qui collationne tous les drops de Q. Et comme nous dit Q, trust the plan and stay in the line, patriots. Nothing can stop what is coming. Where we go one, we go all. Faites confiance au plan et restez en ligne, patriotes. Rien ne peut stopper ce qui arrive. Où nous allons un, nous allons tous. Sharpa One.